commune d'Orléans. Goldman, je marche seul à l'instant sur France Bleu Pays de Vannes. Attention, si vous êtes sur la 75, il y a un obstacle signalé sur l'autoroute dans le sens Clermont-Ferrand-Béziers à hauteur de Sauvagnat-Sainte-Marthe. Soyez prudents. Et si vous savez ce que c'est cet obstacle, appelez-nous. Ça nous intéresse. 04 73 34 3000. 6h-9h, le 6-9, France Bleu Pays d'Auvergne. Hello, Quentin Aimé. Dans la team France Bleu Pays d'Auvergne, nous irons à Polignac, près du Puy-en-Velay, avec Anne Gouvernel, allée chargée de com' auprès des plus beaux villages de France. Ce sera à partir de 8h-5, mais avant ça, vos places pour la démiolerie, vous allez voir, on va tout péter ensemble, et ça, ce sera dans le 6-9 de France Bleu Pays d'Auvergne, dès 6h. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. 16h-18h, France Bleu Pays d'Auvergne, c'est bon pour le moral. Cette semaine, pour la balade H2O, Christophe Noiseux nous invite à réaliser une balade originale sur les dunes des Girofort, situées sur la commune d'Orléans. C'est l'occasion de découvrir un paysage unique dans la région, mais aussi d'évoquer l'inventaire des araignées du site, dont la mygale Chaussette. On découvre tout cela en compagnie d'Audrey Jean, chargée de mission biodiversité au parc naturel régional du Livradois-Forez. Découvrir l'Auvergne. H2O. Partez en balade. Sur la commune d'Orléans, sur le site des Girofort, il y a des dunes. Et c'est sur ce site que nous nous baladons pour H2O à la découverte des araignées du site en compagnie d'Audrey Jean du parc naturel régional du Livradois-Forez, chargé de biodiversité. Audrey, on l'a évoqué, il y a un inventaire des araignées qui est conduit depuis maintenant plus de 2 ans. C'est bientôt la fin, l'inventaire dure sur 3 ans. Qu'est-ce qui a présidé au choix d'inventorier les araignées ici sur le site des dunes d'Orléans ? Alors, c'est vrai que les 2 années précédentes, on avait fait on avait travaillé sur des écosystèmes un peu plus classiques, voilà, prairies humides, tourbières hautes, tourbières basses, bord de rivière, bord de lac, forêt de plaine, et on s'est dit qu'ici c'était quand même un écosystème assez particulier avec voilà ce sable, c'est un milieu acide. Donc voilà, on s'est dit il faut qu'on aille voir ce qu'on peut trouver là-bas, qu'est-ce qui peut être différent. C'est aussi un écosystème qui au niveau national est très peu représenté. Donc quand on travaille sur des inventaires comme ça, toutes les données remontent aussi au niveau national. Donc ça vient enrichir la connaissance sur une autre échelle que celle du territoire du parc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire voilà ce travail cette année sur les dunes des Girofort. Donc ça veut dire que vos études et vos découvertes ici sur le site et plus largement sur le territoire du parc Livradois-Forez vont atterrir à un moment ou un autre sur le bureau de Christine Rollard, araignéologue du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors oui, sur ce travail-là, on travaille avec Alice Michaud qui est araignéologue professionnelle, c'est son métier. Voilà, ils sont pas beaucoup en France, il y a une dizaine d'araignéologues en France qui sont capable de faire ce travail-là, et effectivement toutes les données vont remonter au niveau national sur le site de l'INPN hein, qui répertorie toutes les données, que ce soit voilà faune, flore, champignons, etc. Donc c'est vrai que c'est pas un travail que pour le parc, c'est aussi un travail partagé pour toute la communauté scientifique. Est-ce que ce travail-là avait été effectué avant, ou est-ce que finalement on part de zéro là? Alors il y a des araignéologues en Auvergne, hein, Olivier Villepoux qui était là avec nous sur notre dernier passage au mois de juin. Il y a déjà des choses qui ont été découvertes, il y a des endroits où on connaît mieux les araignées parce qu'il y a des passionnés. Mais comme peu de monde s'intéresse aux araignées, et ben forcément il y a des endroits où il y a des trous. Et voilà, au parc, sur le territoire du parc, il y a plein d'endroits où on n'était jamais passé pour parler d'araignées. On connaît très bien les oiseaux, on connaît très bien les amphibiens. Il y a des groupes comme ça sur lesquels on ne fait pas beaucoup de découvertes, même au niveau national. Mais voilà, les araignées, il y a encore des déterminations et des choses qu'on trouve en France. Et alors donc ici, le site d'Orléans, vous recherchez des araignées en particulier ? Alors c'est un peu la surprise. Enfin, en fait, dans une forêt, on s'attend à trouver voilà la cyclose conique ou l'épiotèse. Enfin, certaines on sait. Et puis il y a d'autres. Ah ben bizarre, celle-là, on n'attendait pas ici et finalement on va la retrouver. Et donc la fameuse petite mygale qu'on vient chercher, c'est une araignée typique des forêts. Où elle va pouvoir creuser, on va expliquer hein, tout ça. Et donc ici, on se doutait qu'elle serait là. La fameuse petite mygale, parce que souvent, quand on parle de mygale, inconsciemment, on imagine des grosses bestioles. Et là, on est vraiment dans la petite araignée. Hein. Alors oui, les mygales, il y a une vingtaine, je crois qu'il y a une vingtaine de familles de mygales dans le monde. Et en France, il y a 4 ou 5 espèces, surtout dans le sud de la France. bassin méditerranéen, Corse. Et puis, il y a une autre petite mygale qui, effectivement, fait un centimètre, allez, avec les pattes d'œufs, qui est la petite mygale à chaussettes et qui est très présente en Europe jusqu'en Suède, en fait. Donc, elle a pas trop froid. Et on la trouve même à Paris, dans le jardin des plantes. Il faut qu'elle ait un endroit pour faire sa chaussette dans le sol et puis après des proies pour se nourrir. Pourquoi fait-elle une fameuse chaussette? Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Ça, c'est la grande question, mais on découvrira cela un petit peu plus tard. Devenez curieux de nature. Partez en balade avec H2O. À la découverte des dunes des Girofors sur la commune d'Orléans, dans le Puy-de-Dôme, une balade H2O originale proposée par Christophe Noiseau en compagnie d'Audrey Jean, chargé de mission biodiversité au parc du Livradois-Forez. Pour la balade complète, rendez-vous sur francebleu.fr et l'appli ici. Et rendez-vous demain pour la suite sur France Bleu. Si vous avez toujours rêvé de voler, nous avons la bonne adresse pour vous. Fly In Clermont est un centre de chute libre qui permet de découvrir la chute libre indoor. Nous prendrons le temps de tout vous expliquer d'ici 3 minutes avec mon invité. En 1995, Céline Dion a interprété la chanson de Jean-Jacques Goldman « Pour que tu m'aimes encore ». Mais que sait-on vraiment de cette chanson? Nous revenons en détail sur ce tube interplanétaire à 16h43 avant de vous expliquer comment prendre soin de son ordinateur pour qu'il vive longtemps. Allez, on s'envole juste après David Guetta. Guetta à l'instant sur France Bleu Pays d'Auvergne, 16h32. Le 16-18 de France Bleu Pays d'Auvergne, les bons plans de Philippe Vialon. Et le bon plan de ce soir, c'est la possibilité sur Clermont-Ferrand de découvrir la chute libre indoor, c'est-à-dire de s'envoler en toute sécurité. Nous sommes avec Éric Digonnet, dirigeant associé de Flying Clermont. Bonjour Éric. Bonjour à vous, merci alors, d'accueillir. Avec grand plaisir, expliquez-nous le principe de Flying Clermont. On s'envole effectivement, on décolle du sol, c'est ça hein? Ah, ça pour décoller, on décolle, hein, puisqu'on peut recréer les conditions à l'identique d'un saut d'avion, puisque vous savez, la chute libre, c'est quand on saute d'un avion, on parachutisme à 4000 mètres de hauteur, et vous avez 40 secondes, on va dire, de pure adrénaline, puisque vous êtes en chute libre et avant que le parachute y s'ouvre. Là, on attaque directement, on est acteur de son vol, puisqu'on n'a pas là, de personne accrochée à vous. D'accord. Vous êtes seul, accompagné par un instructeur, dans un flux d'air qui est ouvert à Clermont-Ferrand, c'est l'air qui fait à peu près 2,20 m de diamètre, et vous avez bien évidemment un briefing, vous êtes en toute sécurité, accompagné par un instructeur qui vous tient, si c'est nécessaire, mais qui vous laisse vous envoler, si vous avez la capacité. Ah, en fait, Éric, il y a une soufflerie, c'est ça, qui va faire que nous allons nous envoler, c'est ça? Pour simplifier la chose, on va dire qu'on a un gigantesque moteur d'avion qui propulse de l'air par le sol et qui est sur une hauteur d'à peu près 8 à 10 mètres de haut dans la soufflerie en étant fermé puisqu'on est en indoor. Voilà. Et effectivement, avec quelques petits gestes qu'on apprend en briefing, très très très vite, on maîtrise son vol et on peut s'envoler dans une hauteur, on va dire, toute relative, en tout cas pour que vous soyez en sécurité. Et alors, comment ça se passe en fait? On s'envole, on peut monter, descendre, faire des pirouettes, se mettre Déjà, dans un premier temps, tenir à plat sur l'air, ce qu'on appelle en vol relatif, c'est déjà bien. Rien que ça. Après, pour les plus téméraires, tout de suite, ils commencent à tourner. Quant à monter très haut, ça demande quand même un petit peu d'entraînement et quelques séances d'activité chez nous. Bon, ça n'a pas l'air si simple, mais c'est l'air hyper excitant. C'est ça, il doit y avoir des sensations extraordinaires en faisant un vol comme celui-ci. Écoutez, en tout cas, c'est le retour que l'on a, puisqu'on est ouvert depuis maintenant 2019, on va dire, on va enlever quelques semaines, quelques mois de Covid, opérationnellement depuis 2020. Et tous les retours que l'on a, puisqu'on a été élu, en tout cas reconnu, comme une activité numéro un en Auvergne, via les avis qui sont laissés sur Google. Je ne vous fais pas un dessin, vous savez que beaucoup de gens nous laissent des témoignages des avis sur tout Google. À fait. Et on a fait tester ce genre de choses. On a scrappé un peu tous les avis qu'il pouvait y avoir. Et ça nous permet de communiquer sur le fait qu'on est reconnu comme une activité numéro un en Auvergne sur les activités de complexe de loisirs ou d'attractivité sur ce nouveau mode de loisirs. Alors effectivement, c'est très très positif tout cela. On peut simplement signaler qu'il est possible d'offrir un vol pour un anniversaire par exemple. Hein, c'est la Flybox anniversaire. Donc on peut aussi faire des cadeaux. On peut y penser, hein, c'est dans 2 mois. Il paraît que la fin d'année arrive. Ça a commencé, hein. La Flybox de Noël, elle est sur le site dans quelques jours. Hein, donc voilà, c'est la totale. Et grosso modo, pour un vol, c'est une quarantaine, une cinquantaine d'euros, suivant si on est un enfant ou un adulte, en fait. Hein, Oui, effectivement, ça commence à partir de 44 euros pour les enfants, et en fonction des différents produits, 74 euros pour une box où tout est inclus, avec les photos, les vidéos, et un bon souvenir à partager, mais surtout à vivre, c'est ce qu'il faut bien préciser à nos auditeurs, c'est une activité qui est à la portée de tous, à partir de 5 ans. Alors, quelquefois, on fait des petits clins d'œil en disant c'est jusqu'à 105 ans, ça c'est pour faire la rime, mais effectivement, on a des gens qui sont, même des seniors, qui viennent faire de la chute libre indoor et qui découvrent une activité. C'est un peu physique, je le concède, mais c'est ouvert à tout le monde. Une contrainte, ne pas avoir d'épaule luxée. Oui. Effectivement, comme en parachutisme, en chute libre, une épaule luxée, malheureusement, c'est passé. Flying Clermont, vous êtes à Aulna, en fait. Hein. On est Aulna, juste à côté de l'aéroport. Ouais. Le bâtiment fait 12 mètres de haut. On ne peut pas nous louper. Eh ben, c'est super. Merci, en tout cas, Éric Digonnet, de nous avoir présenté cette belle activité. Flying Clermont-Ferrand, on va tous aller faire un petit tour. À très bientôt. Bonne fin de journée à vous. Merci. À très vite. Merci à vous. Allez, le temps d'un petit bol de pop-corn. mais de pop-corn salé avec Santa. Et on fait le point sur vos conditions de circulation et la météo. Vous restez prudent. Tout à l'heure, il y avait de la pluie violente qui était signalée sur l'autoroute, sur la 89. Donc voilà, prudence, prudence sur la route. On fait le point d'ici quelques minutes. Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens. Musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos. Tu seras ma femme et on se regardera dans les yeux. Dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort. Viens. Sur France Bleu Pays de Lannes avec Popcorn Salé. Notez ce rendez-vous le week-end prochain, c'est au Cendre, c'est un festival de jeux qui se déroule samedi et dimanche à l'espace Verger du Caire. Vous y retrouverez des jeux de société pour tous les âges avec différents espaces, enfants, familles, tout public, initiés, experts, du jeu de rôle, des jeux en bois, des jeux d'extérieur, mais également diverses animations, laser game, escape game, jeux de piste, buvette, restauration sur place. Il y a aussi deux boutiques de jeux qui seront présentes tout au long du festival. Pour plus d'informations, opidomedujeu.fr. Tous avec le Clermont Foot 63 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Ce dimanche à 20h45, le Clermont Foot 63 se déplace à Lyon. Olympique Lyonnais, Clermont Foot 63. Un véritable match à 6 points entre les deux seules équipes du championnat n'ayant pas encore gagné la moindre rencontre cette saison. Olympique Lyonnais, Clermont Foot 63, 9e journée de Ligue 1. C'est à vivre en direct ce dimanche dès 20h30 avec Evan Le Bastard et Julien Horry sur France Bleu Pays d'Auvergne, FranceBleu.fr et l'application ici. France Bleu Pays d'Auvergne, supporter du Clermont Foot 63.

sais pas jouer. Que l'on se gâche. Je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Retrouvez France Bleu Collector en écoute et podcast sur l'appli ici. Rendez-vous demain avec Nicolas Lespaul. Comment prendre soin de son ordinateur pour qu'il vive longtemps? Nous avons de bonnes astuces à vous dévoiler. Ce sera juste après Axel Bauer et Zazie sur France Bleu Pays d'Auvergne. Et le titre à ma place, quasiment 5h10. Me glass.

4 départements sont en vigilance orange, pluie, inondation. Il s'agit de la Drôme, de l'Hérault, de l'Ardèche et du Gard. Et puis Maxime Le Forestier, de retour sur scène ce soir. L'artiste âgé de 74 ans a été victime d'un malaise vagal sur scène hier soir à Antibes après une heure de spectacle. Depuis, il s'est reposé. Il va mieux, précise la direction du théâtre qui l'accueille. FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. C'est une fin de journée plutôt maussade. On a eu un peu d'eau. Là, sur Clermont-Ferrand, ça s'est calmé. Mais peut-être que chez vous, il pleut encore. En tout cas, ça devrait se calmer, hein, ces averses d'ici ce soir. Attention, on peut encore avoir des rafales de vent jusqu'à 55 km/h dans certains secteurs. Au niveau des températures, on avait 18 à Aurillac cet après-midi, 20 pour Ambert, 21 pour Clermont, Royan, Cournon, Vichy, 22 à Thiers et Issoire, 15 en montagne. Demain, des averses le matin, des éclaircies l'après-midi, 22 attendus en plaine pour demain après-midi. Vous restez prudents sur la 75. Il y a un véhicule en panne à hauteur du Cré dans le sens nord-sud. Il y a des travaux sur la 71 également, très perturbant dans le secteur de la forêt de Troncé. Puis sur Clermont-Ferrand, bien entendu, beaucoup de travaux, beaucoup de circulation. Donc prudence, patience. Et si vous avez une info, nous sommes preneurs, bien sûr. 04 73 34 3000. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais tout à l'heure, il y avait un accident sur la 75 à hauteur de Sauvagnat-Sainte-Marthe dans le sens Béziers-Clermont-Ferrand. Donc ici, il y a encore du monde dans ce secteur. Soyez prudents. 16h-18h, France Bleu Pays d'Auvergne, c'est bon pour le moral. Philippe Vialon. Jusqu'à 17h30, nous sommes en compagnie de Michel Bernier. La comédienne est à l'affiche de Je voudrais qu'on reste ensemble ce jeudi 19 octobre à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand et en interview sur France Bleu ce soir. Nous la retrouvons juste après Charlie Pousse et Mégane Trédor. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Charlie Puth et Meghan Trainor à l'instant qui rendent hommage à Marvin Gaye à travers cette chanson. France Bleu Pays d'Auvergne, le 16-18. La comédienne Michèle Bernier est à l'affiche de Je voudrais qu'on reste ensemble ce jeudi 19 octobre à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand et en interview ce soir sur France Bleu. Et elle est avec nous. Donc Michèle, racontez-nous justement la base de votre pièce Je voudrais qu'on reste ensemble. Ben, c'est-à-dire que c'est quelques années après leur mariage. Donc ils ont ouvert un karaoké. Et pour avoir comme un projet commun, je dirais, une activité commune. Et la problématique, elle est que Valentin reste un homme assez volage, on va dire, qu'il aime toujours sa Claudine, mais qu'il ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte de temps en temps. Et elle a l'air de le supporter, et puis on arrive au moment où elle décide qu'elle ne veut plus le supporter. Et puis, lui essaye de lui faire croire que un couple aujourd'hui peut aussi, continuer à s'aimer et continuer à vivre sa vie, on va dire. Ouais. En délocalisant la vie sexuelle, par exemple. Exactement. Sauf que elle, ça ne va pas spécialement l'arranger. Et donc, à un moment dans la pièce, elle va reprendre la main, on va dire. Voilà. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'humour dans cette pièce. On s'amuse beaucoup. C'est une pièce de Laurent Ruquier, donc c'est effectivement, comme on dit, de la punchline. C'est des rires toutes les cinq secondes. C'est des situations. Il y a beaucoup de chansons évidemment puisqu'on est dans un karaoké et que comme Laurent écrit la pièce pour moi, il sait ma passion pour la variété. Et le chant, donc il y a beaucoup de choses et qui servent aussi à travers ce couple à se dire les choses qu'on n'arrive pas à se dire. Alors, les petites phrases, oui, c'est ça. Comment je dirais, se sert de bouts de chansons pour se dire des choses. Voilà. Alors, j'imagine effectivement que le public rit et ça fait du bien en ce moment pour le public de rire, de s'amuser, de prendre du bon temps. On a besoin de. D'ailleurs, les réactions des gens à la fin du spectacle, c'est merci, ça nous a fait oublier tout pendant une heure et demie. On pense à autre chose et on sort avec la pêche, la banane. On a envie de chanter, de danser, de continuer la fête, quoi. Oui. Est-ce que vous avez encore un petit peu le tract avant de monter sur scène? Est-ce que vous avez un petit rituel du coup? Ou est-ce que ça s'est passé avec le temps? Toujours un peu. Oui, mais même, je pense qu'avec le temps, justement, ça ne s'amenuise pas tellement. Moi, j'ai besoin de. J'ai toujours un petit pincement avant de monter sur scène. C'est comme. On se dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on. Pourvu que je sois bien, pourvu que les gens soient contents. Moi, je me mets dans un petit état comme ça d'inquiétude qui passe dès les premiers rires, bien sûr, mais c'est vrai que ça reste. Hein, c'est quelque chose qui. On a envie de faire plaisir. On a envie de bien faire et du coup, une petite angoisse. Et du coup, comme toujours, quand on a un petit. Même si on a effectivement aujourd'hui un peu de bouteille, comme on dit, quand même, il faut se dire que. On rentre toujours avec un petit truc, quoi. Je pense que c'est ce qui fait aussi le plaisir du spectacle, c'est de jamais rentrer avec l'idée que tout soit totalement acquis, quoi. C'est comme dans un couple. Il faut savoir se remettre en question. Se dire que c'est un peu comme si c'était la première fois à chaque fois, quoi. Michèle Bernier sur France Bleu Pays d'Auvergne jusqu'à 17h30 où nous évoquons sa venue à Clermont-Ferrand demain soir à la Maison de la Culture pour Je voudrais qu'on reste ensemble. Et sachez qu'il y a encore des places pour cette pièce de théâtre. Vous pouvez réserver vos places encore jusqu'à demain ou bien venir au dernier moment. Pourquoi pas? En tout cas, il reste des places pour cette pièce Je voudrais qu'on reste ensemble. Michèle Bernier qu'on retrouve juste après Calogero et Marie Poulain sur France Bleu Pays d'Auvergne avec le hall des départs. 17h12. Tu t'en ailles. un sourire triste. J'ai déjà hâte de te revoir, mon très cher protagoniste. C'est le hall des mouchoirs. On pense toujours un peu au pire, plus que de simples au revoir. Ce sont des je t'aime quoi qu'il arrive. Dans ces halls trop grands, moi je ne vois que toi. Et j'espère en partant qu'en fait tu décides de rester là. Je serai à l'heure pour ton vol. Pancarte à la main qu'on rigole, pour ne rater aucun de nos câlins hollywoodiens. Calogero à l'instant sur France Bleu Pays d'Auvergne, 17h15. France Bleu Pays d'Auvergne, le 16-18. Nous sommes avec la comédienne Michèle Bernier qui est à l'affiche de Je voudrais qu'on reste ensemble ce jeudi 19 octobre à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Elle est en interview ce soir sur France Bleu. Alors Michèle, dites-nous, si vous avez une perte de mémoire sur scène, comment est-ce que vous vous en sortez? Sans doute avec un peu d'humour, non? Oui, mais ouais. C'est l'avantage aussi d'être dans une comédie, c'est que voilà, les choses se rattrapent aussi dans le rire, donc c'est plus facile. Mais étant donné que tout est quand même très, je dirais, il n'y a pas plus sérieux que la comédie dans le travail, tout est tellement timé, et il y a des effets, il y a des lancements de chansons, il y a plein de choses, et je ne suis pas seule, donc on est quand même obligé de garder une certaine rigueur, évidemment. C'est important ce que vous dites, que finalement, faire rire, c'est du boulot, quoi. Ce n'est pas facile, un boulot fou, c'est du travail, quoi. Ça ne s'invente pas, ça se travaille, on a besoin, enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin d'être sur des rails, vraiment, de ne pas être en train de me dire, oh, bah, c'est pas grave si je vais à gauche ou je vais à droite. J'aime bien, c'est rassurant, d'ailleurs, en fait, au bout d'un moment. De dire que là, on sait comment ça se passe, comment ça réagit, comment c'est alors que se laisser de la marge d'improvisation, ben c'est dangereux aussi parce que ça peut ne pas avoir laissé escompter, quoi. Alors vous n'arrêtez jamais, hein, actuellement est diffusée la saison 8 de La Stagiaire, vous étiez jury de Masked Singer, vous êtes au théâtre, vous êtes tout le temps en train de travailler, vous êtes toujours un peu partout, c'est une manière de vous rassurer ça aussi, de se dire bon bah je prends parce que bah, du coup ça, je sais que ça se poursuit, bah, voilà, écoutez, ça continue. Je prends aussi parce que ça fait partie de ma vie et que je voilà, j'y prends tellement de plaisir que joie, quoi, on va dire. Et puis je rajeunis pas, donc je me dis bon ben voilà, tant que le public veut de moi, tant que j'ai la santé pour le faire et que je m'amuse à le faire, pourquoi est-ce que je me priverais, voilà. Alors depuis le temps que vous tournez, que ce soit pour le théâtre, le cinéma, la télévision, qu'importe, vous commencez sérieusement à bien connaître la France, j'imagine, quand même. Vous avez ben, été un peu partout, ouais, je sillonne beaucoup depuis toutes ces années, oui. Et alors, Clermont-Ferrand, l'Auvergne, par exemple, ça vous rappelle des choses? Clermont-Ferrand, je viens quand même pour chaque spectacle. Ouais. Et puis, j'avais eu la chance de tourner un film de cinéma de Jean-Pierre Améris, qui s'appelle Les Folies Fermières. Ouais, bah oui, c'est récent. Tourné ça dans le Cantal. Voilà, on a passé 3 mois dans une ferme dans le Cantal. C'était extraordinaire. Et oui, c'est une région, magnifique, hein, franchement. Calme, apaisant, peut-être. Calme, apaisant, et en même temps, les saisons sont très marquées. quand il fait froid, il fait froid. On est un peu en attitude, un petit peu. Il y a quelque chose d'assez joli. C'est une belle région, quoi. Mmh. C'est vraiment. Je l'ai découverte vraiment quand on a tourné Les Folies Fermières. Mmh. Vraiment. Parce que généralement, c'est vrai que quand je sillonne la France, je reste pas trop longtemps dans les villes. Oui, c'est ça. Mais, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour découvrir les lieux, quoi. J'ai pas forcément le temps de visiter, de découvrir, mais là, en y restant 2 mois, en plus avec des gens formidables, vraiment, j'ai beaucoup apprécié, quoi. Il y a une vraie culture de la région. Il y a un vrai sens de. Ben, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a quelque chose d'assez profond. Hein. On est vraiment dans les sphères de notre pays. Hein. Michel Bernier sur France Bleu Pays de Vin jusqu'à 17h30. Nous évoquons sa venue à Clermont-Ferrand jeudi soir à la Maison de la Culture pour Je voudrais qu'on reste ensemble. Il reste des places, hein, vous pouvez encore les acheter, les réserver. On reprend cet entretien avec Michel juste après la bamba. Ménagez-vous sur France Bleu Pays d'Auvergne. Oh là là là, c'est magnifique. Laurent Boucry. Passez une nuit au château d'Ygrande dans l'Allier en devenant le super champion à Ménagez-vous sur France Bleu Pays d'Auvergne. Demi-pension à gagner et baptême d'équitation également au château d'Ygrande dans l'Allier. Un champion par jour et finale super champion le vendredi. Pour ce séjour dans cet hôtel grand luxe de charme, ça se passe sur France Bleu Pays d'Auvergne entre 11h et midi. Oh là là là, c'est magnifique. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah, mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20€ au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Tu sais, pour ta retraite, tu devrais utiliser Mon Agenda Retraite. Ah, je connais pas. C'est un service gratuit de l'assurance retraite, la retraite de base des salariés et des indépendants. Tu reçois des infos personnalisées des 5 ans avant ton départ. Et je fais comment ? Bah, tu vas sur l'assurance-retraite.fr, il y a plein de services pour t'aider dans tes démarches. Ceci est un message de l'assurance retraite, le service public de la retraite. Venez célébrer les 10 ans du fascinant week-end en Auvergne-Rhône-Alpes du 19 au 22 octobre. Profitez de 200 activités sportives insolites, festives et gastronomiques proposées par 12 destinations viticoles. Entre vignes et coteaux, paysages et villages emblématiques, découvrez la richesse de nos vignobles du Beaujolais à la vallée du Rhône en passant par le Forez rouennais, les vignobles d'Auvergne, le Bugey et la Savoie. Programme complet sur fascinant-weekend.fr. France Bleu, pays d'Auvergne. Yo La Bamba avec Los Lobos, un instant sur France Bleu Pays d'Auvergne, 17h25. Le 16-18 de France Bleu Pays d'Auvergne. Ici, c'est l'Auvergne. Dernière partie avec Michel Bernier, la comédienne est à l'affiche de Je voudrais qu'on reste ensemble ce jeudi 19 octobre à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand et en interview sur France Bleu ce soir. Alors Michel, actuellement je crois que vous êtes en tournage. Hein. Oui absolument, ouais. Je suis dans l'Aveyron, dans le Larzac. Voilà, là on est en train de remonter sur Montpellier, tout doucement. Voilà, on fait un unitaire pour M6 qui s'appelle En Cavale. Voilà. D'accord. Et donc là aussi, j'imagine que joli paysage, un peu déconcertant, un peu déconcertant parce que c'est un peu désertique hein, quand même, la Lozère, tout ça, mais c'est pas mal. Ouais, mais quand même, il y a des paysages, je faisais la réflexion hier, je me disais, mais il y a des endroits, franchement la France, pour ça sans être chauvine, mais la France a cette particularité, c'est que elle offre multiples paysages, multiples façons, enfin, il n'y a pas un endroit en France qui n'est pas beau, en fait. Si on regarde bien, il y a des couleurs, des atmosphères. Et vraiment, ici, tout ce qui est le Larzac et l'Aveyron, je trouve ça tellement beau, quoi. Surtout quand on prend les petites routes, parce qu'en ce moment, on prend les petites routes. Donc, on se retrouve au cœur de petits villages comme Sainte-Eulalie, comme... là on est vers Sainte-Eulalie, c'est ça, on n'est pas loin de Millau, ce viaduc est tellement sublime. Ah oui. Enfin, voilà, tout est, non mais quand on traverse le viaduc on voit cette espèce de vue extraordinaire, enfin vraiment c'est un plaisir des yeux et c'est de l'émotion, hein, vraiment. Hein. Alors, pour terminer, Michel, je vous avoue que je suis de la génération du Petit Théâtre de Bouvard et puis du Gros Navion. Hein, donc, ça fait quelques années que je vous suis. Et j'ai toujours autant de plaisir à vous suivre. Je ne sais pas, vous dégagez quelque chose. On a l'impression que vous appartenez un peu, entre guillemets, à nos amis, à notre cercle, à notre famille. Voilà, on vous sent très proche, en fait, très humaine. Ben, écoutez, en tout cas, moi, je le ressens aujourd'hui comme ça. Enfin, je vois bien que les réactions du public sont des réactions affectueuses. Voilà. Et qui s'est créé un lien comme ça de complicité, d'affection, de simplicité aussi avec le public. Depuis tout ce temps, fin 82, on est arrivé dans le salon des gens. Donc c'est vrai que ça commence à faire et qu'on... Voilà, il y a les générations qui suivent. Moi, ça m'émeut toujours quand j'ai les gamines de 30 ans qui me disent oh, bah, nous, on a été élevés au Gros Navion. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est vraiment très touchant, hein, vraiment. Michel Bernier, on vous aime. Voilà. Oh, merci, c'est moi aussi. Voilà, ce sera notre conclusion. On vous aime. Bon. Et on aura... Écoutez, je prends. C'est une belle chose, voilà. On aura un grand plaisir à venir vous voir à Clermont-Ferrand ce 19 octobre. Je vous attends. Avec grand plaisir. Merci d'avoir pris le temps merci pour nous. À vous. Bonne avec journée plaisir. Et à très bientôt. Très bonne journée, merci. À très bientôt. Au revoir. Michel Bernier à Clermont-Ferrand, jeudi soir à la Maison de la Culture. Pour Je voudrais qu'on reste ensemble, il reste actuellement des places pour ce spectacle. Demain, entre 17h et 17h30, nous évoquerons le festival de marionnettes et de théâtre d'objets juste pour demain, qui se déroule au Cendre du 24 au 27 octobre. Voici Oshi sur France Bleu Pays d'Auvergne avec Je partirai. Cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi, si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain, je ne comprends pas. Pourquoi moi, je leur sers d'appât. Je partirai. vos caméras. Dans la foule, je me jette dans vos bras. Et surtout, gardez un bout de moi. M'en voulez pas si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi. À l'instant sur France Bleu Pays d'Auvergne. Attention, si vous êtes sur la 89, de la pluie violente est signalée actuellement entre la Corrèze et le Puy-de-Dôme. Soyez extrêmement prudents sur la route. France Bleu Pays d'Auvergne, le 16-18. Philippe Vialon. La suite du programme sur France Bleu, ce sera avec Émilie Mazoyer, tout d'abord, qui nous donnera des nouvelles de William Scheller à travers une compilation qui vient de sortir. Dans Bienvenue chez vous, ce matin, il était question d'une clé USB Barbie. On va y revenir à 17h40, avant de vous parler de l'excellente série policière de France 2, Les Invisibles. Mais avant tout cela, place aux infos et confidences sur nos artistes préférés dans Décibel avec Émilie Mazoyer. Salut Émilie. Salut tout le monde. Émilie, au rapport pour votre dose quotidienne d'actualité musicale. La reine de France fête aujourd'hui son 66e anniversaire. Bah oui, on a une reine. N'étiez pas au courant ? C'est comme ça. La reine Catherine Ringer, autrice, compositrice et chanteuse de génie en solo ou avec son groupe culte les Rita Mitsouko. On lui souhaite évidemment le meilleur pour son anniversaire et je vous souhaite d'aller l'applaudir sur scène avec son nouveau spectacle L'érotisme de vivre, mélange savoureux de lecture de poèmes et de chants autour des textes d'Alice Mandelson. Ça parle de désir, de plaisir, du temps qui passe et du corps qui exulte ou pas. Catherine Ringer investit des théâtres partout en France. Prochaine date à Angers, le 10 novembre, à jouer les tours le 11, et pour les Parisiens, il faudra attendre l'an prochain. 15 ans après la sortie du Soldat Rose, conte musical pour enfants à succès signé Louis Chédid, avec M, Francis Cabrel, Vanessa Paradis, Alain Souchon et Jeanne Chéral, ça avait fait un carton à l'époque, hein. Une victoire de la musique, 500 000 exemplaires vendus. Pour fêter les 15 ans, donc, ce spectacle part en tournée. Ça commence à Paris, vendredi, au Grand Rex. On m'appelle le soldat rose, je me névrose, mon kilo. Un petit garçon perdu dans un grand magasin et des jouets qui s'animent à la nuit tombée. L'idée fonctionne toujours très bien 15 ans après. La qualité des musiques et des textes font que les parents passent aussi un bon moment avec le Soldat Rose. Le nouveau casting vous attend à Paris pendant ses vacances, puis en tournée partout en France jusqu'au printemps 2024. Star Wars, E.T., Indiana Jones, Superman, Harry Potter. John Williams fait partie des rois de la bande originale de films et il va avoir droit à un beau coffret rétrospectif. Ah mon Dieu, Dark Vador ! Vous voyez, ça marche, hein, la musique de John Williams. The Legend of John Williams, 20 CD, 22 heures de musique. Ça sort le 24 novembre. Et ça y est, lui, il est sorti. Simplement Scheller, l'album hommage à William Scheller. 17 artistes et autant de reprises piano-voix avec Edith de Préto, Véronique Sanson, Vincent Delerme ou encore Calogero. Les chansons sont merveilleusement mises en valeur. C'est une réussite. Et moi je te connais à peine, et ce serait une veine qu'on s'en aille un peu hommage donc à William Scheller, à retrouver d'ailleurs ce soir à partir de 19h avec Émilie Mazoyer. Elle sera sur France Bleu avec les artistes, notamment Vincent Delerme, qui reprennent les chansons de William Scheller. Voici Julien Clerc sur France Bleu Pays d'Auvergne avant de vous proposer un petit extrait de l'émission de ce matin de Bienvenue chez vous. C'est tous les jours à 10h30 avec Patricia Farah et Laurent Boucry. Et le soir, il y a une petite séance de rattrapage. On fait ce point de rattrapage juste après ma préférence. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Froid, ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi, ma préférence à moi, ma préférence à moi. Julien Clerc à l'instant sur France Bleu Pays d'Auvergne avec ma préférence, la météo, vos conditions de circulation dans une minute. Ma vie de bib. Tous les week-ends à 8h10 sur France Bleu Pays d'Auvergne, Ma vie de bib propose d'entendre le témoignage de Clermontois sur l'histoire particulière qu'ils ont tissée avec Michelin. Il et elle sont d'anciens ouvriers Michelin et sont passionnés de cette histoire industrielle qui se construit depuis le 19e, collectionnent les souvenirs, mais évoquent aussi une vie à l'usine. Ma vie de bib, tous les week-ends à 8h10 sur France Bleu Pays d'Auvergne. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Bon, on a eu un petit peu d'eau hein, pour cette fin de journée. Manifestement, ça devrait se calmer d'ici ce soir. Donc, si vous avez encore un peu d'eau, eh bien, ça devrait s'arrêter. C'est la bonne nouvelle pour ce soir. Par contre, demain matin notamment, des averses sont attendues, plus ou moins soutenues, et on devrait avoir des éclaircies pour l'après-midi. Au niveau des températures, on avait une vingtaine de degrés pour Amberes cet après-midi, 21 pour Clermont, Royan, Cournon, Vichy, 22 à Thiers hier soir et 15 en montagne. Demain, on devrait avoir au mieux 22 en plaine. Au niveau de la circulation, vous restez prudent. J'ai signalé tout à l'heure de la pluie violente sur la 89 entre la Corrèze et le Puy-de-Dôme, donc restez très prudent. Des travaux gênants aussi sur la 71 dans le secteur de la forêt de Troncé, travaux également sur Clermont-Ferrand, beaucoup de monde, ça coince un peu partout. Et puis on avait également un véhicule en panne tout à l'heure à hauteur du Cré dans le sens nord-sud sur la 75, donc restez prudent. Manifestement sur la 75, ça roule pas mal dans le sens Clermont-Ferrand hier soir, avec du monde entre Saint-Yvoine et grosso modo Saint-Yvoine et oui, Orbeil. Allez, grosso modo, beaucoup de monde. Donc prudence et patience. Si jamais vous avez une inforoute, nous sommes preneurs. 04 73 34 3000. Le 16-18 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Le 16-18. Patricia Farah et Laurent Boucry sont en duo et en direct chaque matin à 10h30 dans Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, ils s'intéressaient à une chaîne YouTube locale consacrée au bricolage. Geoffrey, c'est la chaîne YouTube Bricolage, c'est cool. Sur cette chaîne, j'ai pris un extrait de votre toute dernière vidéo pour déjà, avant de parler un petit peu de votre parcours, expliquer ce que vous faites. Et notamment, il y a eu un gros projet qui est arrivé au bout, j'imagine. Mmh. C'est ce que vous appelez du rétrofit. Oui. C'est transformer une vieille mobilette en une mobilette électrique. Ça va jusque-là, Laurent ? Là, c'est bien. Oui, hein, mais sur la théorie, je suis très, très bon. Moi, je suis un dieu fini. C'est après la pratique. C'est là. Alors, écoutez ce que ça donne en vidéo. On connaît tous la mobilette, ou cyclomoteur pour les puristes. Un vrai succès qui fait fleurir bon nombre de constructeurs et de modèles dans les années 50-60. Nos grands-parents allaient à l'usine à mobilette, mes parents sortaient avec les copains et les copines à mobilette. Et nous, maintenant, on les retrouve dans des granges à moitié pourries. Et oui, c'est une partie de notre patrimoine qui a presque totalement disparu de notre paysage jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 8 mois que j'ai lancé avec vous le projet de convertir cette mobilette en électrique. Une Peugeot 101 MT de 1974. 8 mois que l'on travaille dessus pour la propulser dans le futur avec un cahier des charges bien défini. 1. Conserver son esthétique d'origine au maximum. 2. Rendre cette conversion électrique réversible à tout instant. 3. Maintenir la puissance d'origine du véhicule. 4. Viser la plus grande autonomie possible. 5. Ne pas se contenter d'une conversion, mais faire une restauration complète de la mob. Et je vais même rajouter 6. Permettre à vous, les abonnés, de faire des choix de conception via les commentaires YouTube. Oh, magnifique. Où en sommes-nous de cette mobilette ? Là, c'est un projet qui s'est terminé, qui a duré plusieurs mois et qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. Par une course, on a fait une course à Charade, au circuit de Charade, avec la mobilette électrique et des mobilettes thermiques, on a roulé comme ça. Qui a gagné ? Thermique ? Alors, pendant tous les tours d'entraînement, c'était l'électrique qui gagnait. Et comme par hasard, à la vraie course, c'est la thermique qui est passée devant, à l'avant-dernier virage. J'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de vos envies à la base. Vous avez fait des études d'ingénieur, ingénierie spécialisée dans quelque chose ? De base, moi, je suis ingénieur généraliste. Généraliste. Mais orienté mécatronique, donc mécanique, électronique et matériaux avancés. Ok, l'envie c'est quoi ? C'est de bricoler, d'avoir ce côté manuel et côté, on va dire, logique, penser des choses, créer des choses. Ouais, c'est ça. En fait, moi j'étais bricoleur bien avant d'être ingénieur en fait. Donc l'idée d'être ingénieur elle est venue bien après le fait que je bricole. Et l'école d'ingénieur ça m'a pas vraiment appris des concepts de bricolage mais plus la méthodologie. Et de la réflexion d'ingénierie que j'apporte à un bricolage pour faire les choses carrées et comme il faut, quoi. Vous dites que le bricolage, c'est depuis longtemps, mais qu'est-ce que vous bricoliez concrètement ? Un peu de tout ? En fait, Du bois, tous les matériaux ? Pas vraiment. Au tout début, quand on était petit, je bricolais des consoles, je démontais des consoles, des PlayStation, etc. Ah oui ? Ouais. Et vous avez, moi, je sais les démonter, mais vous arriviez à les remonter après ? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Parce qu'il y a des tas de trucs que j'ai démontés, mais une fois que je suis... Après, c'était où ça ? C'était où cette petite pièce ? Donc c'est vraiment une passion que vous avez depuis très longtemps. Ouais. Vous avez eu un CDI, vous étiez ingénieur en CDI, et puis vous avez décidé de tout quitter. Pourquoi ? Parce que c'est confortable quand même, un CDI, un salaire qui tombe, tout va bien, et là vous quittez tout pour nous faire une chaîne YouTube. Oui, c'était confortable, mais c'était... Enfin, j'étais dans un taf qui m'ennuyait, où j'avais déjà fait le tour, quoi. Mmh. Donc j'avais plus rien à apprendre du taf. Et vu que j'avais déjà ma chaîne YouTube avant, mais que j'avais jamais eu l'idée d'en faire quelque chose de qui fonctionne, quoi, je me suis dit bah c'est maintenant ou jamais. Tant que je suis jeune, j'ai envie de me lancer sur Internet. Et puis si jamais ça foire, je retrouve un CDI ingénieur facilement, quoi. En fait, c'est ça l'avantage, ouais. C'est de se dire bon, si jamais ça marche pas, si oui. jamais je gagne pas de sous, moi j'ai un diplôme Et voilà. Des ingénieurs on en cherche et allez. C'est vrai. C'est vrai, genre, c'est confortable. Après, vous dites que je suis nul, moi, en bricolage. Mmh. Demandez à mes chefs, ils disent que je bricole beaucoup à l'antenne. Vous restez avec nous, Geoffrey Dionnet, la chaîne YouTube Bricolage, c'est cool. Je vous invite, vous, à la maison, à aller voir un petit peu tout ce que Geoffrey vous propose. J'ai dit YouTube, mais également TikTok. Ouais. Et vous êtes suivi à combien à peu près de personnes là ? Sur YouTube, 44 000 et quelques, et TikTok, il y a un peu moins, 25. Allez, demain dans Bienvenue chez vous à 10h30, Denis Coderre, ancien journaliste, nous présentera son livre Fric Frac sur la halo blé, dans lequel il raconte sa drôle de vie. Ce sera bien sûr avec Patrice Safara et Laurent Boucry. Juste après Eddie Mitchell, on allume la télé et on choisit France 2 ce soir.

l'instant, c'était Jane sur France Bleu, Pays d'Auvergne, 17h57. Musique. Comme tous les soirs, à partir de 18h, nous allons retrouver 100% Coupe du Monde. Bah oui, présenté par Dominique Bourdeau. Et par la suite, à 18h30, dans 100% Rugby, on va parler de la diététique et de l'alimentation des joueurs de l'ASM. Mais on vous offrira également un superbe livre, Gueule de Rugby, 2023 joueurs pour 2023. Ce sont des joueurs qui sont tous en photo. On vous offre le tome 2 sur les 4 qui existent avec des portraits extraordinaires de joueurs. Valeur de ce livre, 72€. Pour le gagner, il faudra répondre à la question qui vous sera posée après 18h30. France Bleu Crac pour Grand Corps Malade. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je me garde. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Grand Corps Malade retient les rêves. En ce moment, dans votre playlist. Est-ce qu'on retient les rêves, si on voulait? 100% France Bleu. France Bleu présente la comédie musicale incontournable, Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie. C'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie. À ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu, Pays d'Auvergne. Merci d'être à l'écoute de France Bleu Pays d'Auvergne, il est 18h. Actuellement sur Clermont-Ferrand, quelques gouttes de nouveau. Ça devrait s'arrêter d'ici ce soir, mais pourquoi pas, encore quelques averses. En tout cas, c'est le cas tout de suite. Demain matin également des averses, demain après-midi des éclaircies. On avait 22 degrés au mieux cet après-midi en pleine. On aura également 22 demain. Toute l'info avec Lauriane Navarre. Cantalia a cru toute sa vie être née sous X et c'est aujourd'hui la fin d'un long combat. Ouais, celui de Jean-Pierre Vidal, 66 ans, commerçant à Aurillac. Abandonné par sa mère à l'âge de 2 ans, il a été enregistré né sous X par erreur, victime d'une erreur administrative qui l'a traîné toute sa vie. Et après 4 ans de bataille judiciaire, aujourd'hui la cour d'appel de Rion a condamné l'État et le conseil départemental du Cantal à lui verser respectivement 50 000 et 20 000 euros de dommages et intérêts. Enfin, le dossier va pouvoir être refermé pour Jean-Pierre Vidal. Le soulagement que j'ai, c'est d'avoir eu la présidente de la cour d'appel qui m'a écouté, qui a écouté mon avocat du moins, et qui a su juger ce dossier, qui a donné un sens à ce dossier. Elle a vu la souffrance qu'il y avait dans ce dossier. Et puis voilà, la cour d'appel ne pouvait pas non plus faire plus. Il faut pas oublier que c'est une affaire qu'on a jugée au bout de 60 ans quand même. Hein. Voilà, bon, moi j'estime que le résultat de la cour d'appel m'aura fait du bien. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai une souffrance qui est toujours la même, mais je reconnais que j'ai été écouté. J'ai une pensée pour toutes les personnes de l'ASE, pour les personnes des sous-X et tout, et des personnes qui ont voulu savoir d'où elles venaient, qui n'ont jamais pu savoir. Là, aujourd'hui, j'ai une pensée pour tout le monde. Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, 24 Français ont été tués et 7 sont toujours portés disparus. Annonce aujourd'hui d'Elisabeth Borne, la première ministre, qui indique que 3500 Français d'Israël ont été rapatriés. Mais cet après-midi, Israël a autorisé l'envoi d'une aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. Égypte. Alors que le président américain Joe Biden est actuellement sur place, il assure que l'État hébreu n'a rien à voir avec le bombardement d'un hôpital à Gaza hier soir qui a fait au moins 471 morts. La Maison Blanche assure que des images aériennes mettent Israël hors de cause. Plus de 350 perturbations et contestations pendant les hommages partout en France lundi à Samuel Paty et Dominique Bernard, ce prof tué dans son lycée à Arras vendredi dernier. Et pour certains de ces élèves qui ont perturbé les minutes de silence, ils risquent l'exclusion de leur établissement, prévient aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Laurent Wauquiez, lui, demande la reconnaissance faciale autour des lycées. Le président de région explique vouloir détecter les individus suivis pour radicalisation terroriste. Il avait fait de la sécurisation des lycées une des mesures phares de sa campagne pour les élections régionales de 2015 qu'il avait remportées. Dans ce contexte d'alerte urgence attentat, le château de Versailles et 9 aéroports régionaux ont été évacués aujourd'hui. Ouais, des évacuations alors que de nombreuses fausses alertes à la bombe et de fausses menaces d'attentat ont eu lieu ces derniers jours. Un phénomène qui n'est pas nouveau, mais dans le contexte de l'attentat d'Arras, ça prend de l'ampleur, notamment dans les lycées. Et à chaque fois, ça mobilise beaucoup de policiers. Aurélien Tirard. Comme dans ce lycée parisien cet après-midi, alerte générale, les policiers reçoivent un appel. Une élève vient de se faire agresser à la machette par un individu. Les équipes d'intervention de la BRI se déplacent immédiatement, sauf qu'il s'agit d'un canular, un de plus. Mais à chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant, avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, une 60aine de personnes interviennent à chaque fois. Des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi. Les équipes de France 3 à Reims ont évacué leur bâtiment hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 mètres carrés pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Sur les terrains de foot ce week-end en Ligue 1 et en Ligue 2, 1 minute de silence sera respectée en hommage à la fois aux victimes des attentats d'Arras et de Bruxelles et aux victimes aussi du conflit entre Israël et le Hamas. Ce sera donc le cas dimanche soir pour le match Clermont-Lyon. Pour la 13e fois, Elisabeth Borne dégaine le 49-3 pour une adoption sans vote d'une partie du projet de budget 2024. La France Insoumise et le Rassemblement National annoncent déjà déposer une motion de censure. On y revient dans le journal de 19h. Si vous avez un projet d'achat immobilier, ça pourrait arranger vos affaires. Ouais, à partir de 2024, le prêt à taux zéro est non seulement reconduit, mais il va être étendu à plus de communes. En Auvergne, ça concerne Cournon, Beaumont et Aubière dans le Puy-de-Dôme. La météo, c'est toujours un petit peu de pluie par-ci, par-là. Oui, des petites averses là, sur Clermont-Ferrand. Ça s'est arrêté, je crois. Mais voilà, c'est ce qui nous attend un petit peu. Ça devrait s'arrêter d'ici ce soir. Hein. Par contre, demain matin, des averses sont attendues par Météo France un peu partout. Demain après-midi, a priori, des éclaircies et des températures similaires à celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on devrait atteindre les 22 au mieux en pleine. Attention, ce soir, encore du vent hein, avec des rafales possibles encore jusqu'à 55 km/h. La suite du programme, c'est avec la Coupe du monde de rugby sur France Bleu, bien entendu présenté tous les soirs par Dominique Bourdeau et Arnaud Carré. Et il va être temps, mesdames et messieurs, de retrouver cette Coupe du monde de rugby sur France Bleu. Et tout à l'heure, eh bien, on parlera également de rugby, mais puis plutôt du côté de l'ASM. France Bleu, le MAG 100% Coupe du monde de rugby, Dominique Bourdeau. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accompagner sur toutes vos franges bleues pour ce MAG 100% Coupe du monde de rugby, dans lequel on va ce soir encore mouiller le maillot, même si le 15 de France a malheureusement trop tôt quitté la compétition. Et ce maillot, c'est évidemment celui des Bleus, fabriqué par le coq sportif, dont le PDG est notre grand témoin ce soir. Bonsoir Marc-Henri Bossier. Bonsoir. Et merci d'être en duplex avec nous depuis la maison de la radio. Donc nous, on va continuer cette Coupe du Monde de rugby avec vous, pour vous et vous. Est-ce que vous avez prévu d'être devant votre télévision ce week-end pour les 2 demi-finales de la Coupe du Monde ? J'attends vos commentaires en direct au 0810 055 056. Les Bleus du foot ont attendu bien longtemps, eux, avant de devenir champions du monde. On fera quelques parallèles avec l'un des champions du monde 98, Vicente Lizarazu, consultant football de Radio France,